Fuck off, moi je veux être. Tu veux être vivre un peu l'air. Hey, vivre un peu l'air. Et vive le rock libre! J'approuve leur pratique. Des fois j'ai un peu de mal avec l'État islamique. Quand ils lapident des femmes, j'ai quelques réserves. Quand ils disent non à la boisson, là franchement ils m'énervent. Mais là où j'applaudis à fond leur politique, c'est quand leur loi interdit de jouer de la musique. Et je dis hey ho, pas de piano, ça gosse le calife. Et le sultan trouve ça insultant dans l'État islamique. Par le prophète, les islamistes voient clair. Ils ont pas besoin de lunettes pour arriver à voir que la musique est une condamnation à la misère et l'exclusion. Check les musiciens, ils sont pauvres, crottés, malades et chauves. Leurs lits sont pleins de puces, leur âme est pleine de vices, et ils ont le prépuce rongé de syphilis. Les seuls qui veulent nous préserver d'un sort si pathétique, ce sont ces barbus avisés qui bannissent la musique. Et j'ai dit hey ho, cherchez les morpions et les narcotiques. Vous en trouverez un genre chez les gratteux de guitare, mais pas dans l'État islamique. Qui est là sous la burqa? Yasmina? Rachida? Oh non, je la reconnais à ses baguettes. Je suis pas mal sûr que c'est Huguette. Wow! Huguette Divito à la batterie. Avouez que pour un être inférieur à l'homme, elle se débrouille quand même pas pire au drum. Revenons aux musiciens, leurs oreilles qui cillent, leurs doigts qui roulent des joints et leurs gros barbill. De brosse en brosse et d'orgie en orgie, c'est bon, rien font et viennent en répandant des maladies, surtout vénériennes. La contamination atteint un point critique. Il faut agir, c'est une question de santé publique. Hey ho, un commando suicide dans un sordide conservatoire plein de germes. Et boum, fini ces temples maudits de la drogue et du sperme. Allez, les martyrs, faut se dégourdir. Bon sang, un peu de tonus. Visez les salles de concert, les conservatoires, mais surtout pas musique plus. Parce qu'au contraire de ce que laisse croire le nom de ce poste-là, on y voit de moins en moins de musiciens et ça fait plaisir à l'heure. Ouais, mon oncle Serge et l'État islamique, extrait du plus nouvel album de mon oncle Serge qui s'appelle 2015. C'est le camarade B qui vous accueille en cette soirée du 1er août 2015 pour la 583e émission de Skoypanka. Yeah! Alors, Vos oreilles ont été maganées par les courses cet après-midi. Et bien maintenant, c'est au tour de Sky Punka d'aller vous déranger avec du punk, du folk punk, du ska et du reggae ce soir. Et là, on enchaîne sans plus tarder avec un premier bloc de folk punk qui sera composé tout d'abord d'un groupe montréalais assez satanique. Mais dans le fond, ils sont même pas sataniques parce qu'ils ont été rejetés par Satan. C'est-à-dire les rejets de Satan avec Répète après moi ainsi que Assassin dans la lune qui sont les deux premières pièces de leur tout nouvel album Enfer, toute une histoire. Par la suite, nous enchaînerons avec Berrurier noir, une pièce punk mais qui s'enchaînait très bien, je trouvais, avec celle des rejets. Donc, ça sera le cerf, le druide et le loup. Extrait de l'album Invisible des Berrues, qui est paru il y a quelques années. Mais c'était quand même leur dernier album. Fait que ça a sorti aux alentours de 2015. Même, je pourrais vous dire la date parce que je l'ai devant les yeux. Et c'est 2006. Et puis après ça, question de rester sur le même beat, eh bien on aura les Ramona de Menhir qui nous viennent de Bretagne avec la pièce Arven Avalo qui est extrait de leur album portant le titre de Tanarbol. Si je le prononce mal, c'est parce que j'ai aucune notion de breton. Sur ce, allez, allons-y sans plus tarder avec les Rejets de Satan et la pièce Répète après moi ainsi que Assassin dans la lune. Je ne suis pas une ultime. Je fais partie du monde. Répète après moi! Nous ne sommes pas uniques, non. Nous faisons partie du monde. We'll be right back. intelligent, quotidien éternel, meurtri de particules. Et le loup.

grand honneur de venir avec Arvel Arvalo. Bien sûr, si El Breton Barbu, qui est en direction de Québec pour un concert culturel ce soir d'opéra, eh bien, c'est sûr qu'il aurait pu bien dire la pièce, mais puisque ce n'est pas le cas, eh bien, on le fait du mieux possible. Et puis, deux pièces avant ça, on a vu les Rejets de Satan avec Répète après moi ainsi que Assassin dans la Lune, et on avait enchaîné avec Berrurier Noir. Si jamais vous vous demandez comment ça se fait que Sky Panka joue à cette heure-là ce soir, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas remarqué le bruit qu'il y avait à Trois-Rivières, eh bien, il y avait le Grand Prix de course de voiture qui fait du bruit. Et qui fait en sorte que, vu que c'est rediffusé à C'est Fou, parce que C'est Fou est le rediffuseur officiel de cet événement-là, eh bien, ça fait que Sky Panka ne pouvait pas jouer. Ce qui fait que Sky Panka joue présentement ce soir. Alors, si jamais vous avez jamais entendu cette émission-là le samedi soir, c'est normal. Puis si jamais vous pensez qu'il est rendu 3h mais qu'il fait noir, ben ça c'est pas normal parce qu'il est rendu quand même 8h et quelques minutes pas mal dépassées, c'est-à-dire 8h24. Bon, et comme que j'ai pas mal de choses à faire jouer, eh bien on va enchaîner immédiatement en musique avec La Gâchette et la pièce Poutou ainsi que Bill qui s'enchaînera avec Short Collar et une reprise de Judas Priest, c'est-à-dire la chanson Breaking the Law, que j'avais dédié à Mephisto, qui autrefois faisait le Mephisto Show à ce fou. Et puis après ça, eh bien, on aura The Queers avec Kick It Out of the Wibbaloo, que j'avais dédié à Steph Def. Je pense qu'il va comprendre pourquoi. Sur ce, allez, allons-y avec La Gâchette et les deux chansons Poutou ainsi que Bill, extrait de leur plus nouvel album, Dans ta face. Tout ça à Sky Panka sur les ondes de C'est Fou. La Radio Campus de Trois-Rivières. Ah oui, musique. We'll be right back. Alors, vous écoutez toujours Skypunk sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières, en compagnie du camarade B. Ça, c'est moi. Et pour tous ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, eh bien non, on n'est pas en plein milieu de l'après-midi, on est vraiment rendu aux alentours de 8h30. Et là, on va enchaîner avec une entrevue que j'ai faite avec The Mahomes au cours de le vendredi passé lorsqu'ils étaient à Shawinigan, mais plus exactement à la shop du Tour du Diable, où ils ont donné une extraordinaire prestation. Et donc, c'est ça. Alors, pour les prochains 20 minutes, on va entendre justement trois pièces des Mahomes qui seront entrecoupées par l'entrevue que j'ai faite avec eux. Donc, on va commencer ça tout d'abord avec la pièce Paddy on the Railway, qui s'enchaînera avec une partie de l'entrevue des Mahomes. Par la suite, on aura The Prisoners. Et puis, ensuite, on aura une reprise de Rancid par The Mahomes, qui se retrouve sur leur tout nouvel album, The Hunger and the Fight Volume 1, car il y a un volume 2 qui s'en vient bientôt. Bref, on entendra leur version de la pièce Last One to Die. Et c'est vrai, je devrais vous dire ça aussi. J'ai commencé l'entrevue avec Cathy Kaboom, qui est celle qui fait l'accordéon pour justement The Mahomes. Et par la suite, il y a Vinny, qui est le chanteur des Mahomes, qui est venu nous rejoindre. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer que l'entrevue débute en français et après ça tombe en anglais et en français en même temps. Et c'est cela. Sur ce, allez, allons-y avec la pièce Paddy on the Railway, se retrouvant sur leur tout nouvel album des Mahomes qui s'appelle The Hunger and the Fight. Tout ça, bien sûr, bien à Skypunk sur les ondes de C'est fou, la radio campus d'un endroit sur Terre qui s'appelle Trois-Rivières. Allez, on y va. Ah oui, j'ai oublié de dire, ils ont fait cette chanson-là avec le chanteur de la formation des Tossers. In 1841, me corduroy breeches I put on. Me corduroy breeches I put on to work upon the railway, the railway. I'm weary of the railway, where Paddy works on the railway. In 1842, I moved to Crewe. I found myself a job to do, working on the railway. I was wearing corduroy breeches, digging dishes, pulling stitches as a line, working on the railway. In 1843, I wrote my shovel across my name, went to work for the company, the Selby Railway. I was wearing corduroy breeches, digging dishes, pulling stitches as a line, working on the railway. In 1845, I landed on a Liverpool shore. My Alors, c'est une entrevue pour Skypunka avec Cathy Kaboom des Maroons. Et nous sommes à Shawinigan, à la shop du Trou du Diable. Alors, Cathy, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. On est excités d'être ici. Oh, très bien. Shawinigan, c'est très belle. Donc, j'ai découvert quelque chose. Tu parles français? Oui, ma famille est du Québec. Ma grand-mère est née à Trois-Rivières. Et puis, l'autre grand-mère est née à Marseille. Et puis, toute ma famille a vécu à Montréal. Et moi, j'ai fréquenté des écoles françaises en Ontario. Et ça fait depuis, je crois, 2007 que tu es rendue avec Demande. Oui, 2008, je pense. 2008? C'est 2008 que j'ai commencé à jouer l'accordéon et que ben, je suis venue avec The Mahons et... Oh mon Dieu, ça fait 7 ans déjà, wow! C'est passé très vite. Et ton intégration dans le groupe s'est bien passée? Très bien passée, je suis très contente et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Très contente d'être ici. Très bien! Combien de personnes êtes-vous dans votre groupe, mais en même temps, combien de personnes existe-t-il encore du line-up original? Ben là, du line-up original, je pense qu'ils sont actuellement, sauf fini, tous décédés, malheureusement. Ah oui? Oui, dans le line-up original, il y avait fini, puis quatre gens, et puis ils ont fait une show, juste un spectacle pour le Saint-Patrick en 1990, et c'était des très bons amis de fini, mais là, malheureusement, il y en a quatre qui sont décédés, et seulement fini, qui est toujours dans le groupe. Mais là, on a beaucoup de personnes qui sont venues parce que le groupe, ça a 25 ans. Ouais. Alors, c'est pas longtemps. Mais il y a des personnes qui, non, ils ont des enfants, et puis ils se marient, ils peuvent partir. Mais ils reviennent. Et puis, alors, comme il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le groupe, qui jouent avec nous quand nous sommes en Kingston ou en la Colombie-Britannique, il y a des Mahons partout. OK. Mais les Mahons réguliers, nous sommes 5. OK. Oui. Et vous êtes 5 réguliers depuis environ quoi? Depuis que tu as intégré le groupe? Oui. Alors, le batteur est dans la course, ça fait 12 ans. Moi, ça fait 7 ans. Notre bassiste, Sean, il vient tout juste de nous rejoindre. Il était bassiste de 2008 à 2010. Et puis là, c'était quelqu'un d'autre. C'était mon meilleur ami, mais là, lui, il est décédé. En décembre, alors Sean y est revenu. On a Michael qui joue à la flûte, et puis lui, ça fait... Je pense qu'il est venu en 2006. OK. Ça fait presque 10 ans. 10 ans, c'est ça. Et 25 ans pour finir. Aïe, aïe. Oui. Est-ce que tu sais combien d'albums que vous avez depuis le début? 15. 15 albums, oh oui, alors, il y en a plusieurs que je connais pas. Là. Oui, il y a quelques compilations, mais je pense qu'il y a 9 albums studio et 6 albums compilation. OK. Oui. Et là, il faut m'en penser. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Shawinigan? Mais non, en fait, on est venu jouer au Trou du Diable, ça fait environ 10 ans. Ah oui? Et on a joué dans le restaurant, dans le pub. OK, ouais, ouais. Et on a vraiment aimé, il y avait beaucoup de personnes, et puis c'est une chambre qui est petite, mais il y avait beaucoup de chambres. Et on s'est vraiment amusé, alors on était vraiment excités d'être de retour. Bon, je savais même pas que vous étiez déjà venu. Ouais, on s'est vraiment, c'est vraiment, vraiment joué. C'était l'été ou l'hiver? Je pense que c'était l'été. Et puis moi, je me souviens toujours des repas et je me... c'est vraiment beau repas qu'on a mangé. Ah oui, ah oui. Et puis là, c'est vraiment beau spectacle. Il y avait beaucoup de personnes vraiment excitées, beaucoup de francs et on s'est vraiment amusés. En général, vos chansons parlent de quoi? Ah ben, il y a beaucoup de différentes choses. L'album nouveau qui va sortir le 18 septembre, et là, je m'excuse pour mon français, je sais qu'il y a des erreurs de grammatique. The Hunger and the Fight numéro 2, ça va être ici le 18 septembre. Et cet album, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire avec les politiques. On parle beaucoup de voyages des Irlandais d'Irlande jusqu'aux Amériques, alors l'immigration. Mais les albums passés parlaient beaucoup des fêtes et de poids. alors, je pense qu'il y avait une évolution avec la groupe, et lorsque la groupe est évoluée, puis on s'est tous On est âgé, on est grandi. Oh oui. Là, on parle des choses un peu plus importantes. Mais j'aimerais savoir, au sujet justement de Anger and the Fight, pourquoi qu'il y a part 1 puis part 2? Parce qu'il y a tellement de chansons. Alors, le premier parti, c'était, on parle d'Irlande, de la musique traditionnelle, c'est plus comme The Dubliners et puis The Chieftains, c'est vraiment traditionnel. On parle de la culture irlandaise, l'histoire irlandaise. Et puis là, avec numéro 2, c'est plus punk. Ouais. Alors, on étudie l'évolution du musique irlandaise. Alors, okay. du folk jusqu'au punk. Okay. Traditionnel jusqu'au punk. Alors là, on discute des immigrants qui sont venus à Montréal, à New York, et puis les problèmes qu'ils ont racontés, de famine et tout ça. Alors, on a fait en deux parties. parce que c'est un concept. Okay. Et il y avait tellement de chansons, il fallait faire en deux albums. OK. Est-ce que ces deux albums-là vont se retrouver en vinyle? Parce que j'ai vu qu'en bas, vous les aviez juste en CD, mais... Oui, on était en vinyle en Europe au moment. C'est juste que c'était difficile de trouver quelqu'un à les faire imprimer en vinyle en Canada. Mais là, ce qu'on va faire, c'est en mars 2016, je pense, on va avoir une box set des deux albums en vinyle. En vinyle. Au moins, c'est le plan. OK, c'est bon. Je me demande, parce que c'est ça, je me posais cette question-là tantôt. On les fait en Europe, il faut juste les faire ici. Pourquoi depuis, je pense, peut-être que je me trompe, là, mais depuis environ 2010, vous êtes rendu sur... en fait, vous avez votre propre label qui est Whiskey Devil Records. Pourquoi, dans le fond, est-ce que vous avez quitté Stumble Records pour votre label? Après Stumble, on était actuellement avec True North. Mais c'est que on voulait vraiment juste le faire nous-mêmes. On avait des idées et... des choses qu'on voulait faire, qu'on pouvait pas faire avec un label. Okay. Et puis, c'est aussi que, quand vous êtes avec un label, vous avez des personnes qui sont peut-être pas aussi intéressées dans la musique, qui sont dans les affaires. Et puis, on avait beaucoup de choses qu'on voulait faire nous-mêmes. On avait beaucoup de chansons qu'on voulait mettre à la release. Alors, on a décidé finalement de le faire nous-mêmes. Okay. Alors, comme ça, on a la liberté de... une liberté artistique qu'on n'avait pas avec une école. Et puis aussi, comme ça, on peut travailler aussi avec des groupes qu'on aime. Alors, par exemple, Sean, il joue aussi dans une groupe qui s'appelle Irish Nails. Et puis là, on va enregistrer leur CD dans l'automne, je pense. Et puis un autre groupe dans l'Angleterre qui s'appelle Strawberry Blonde. On va mettre leur CD en automne aussi. Okay. Alors comme ça, on peut travailler avec des groupes qu'on aime, on a beaucoup plus de liberté. OK. Oui. Et aussi, toujours en parlant de leur nouvel album, j'ai comme eu un flash. Il y a votre chanson numéro 3, Paddy's Railway. Paddy's Railway. Oui, c'est ça. Vous l'avez faite avec le chanteur de Les Tossers. Tony Duggins, oui. On aime beaucoup Les Tossers. Ils sont nos amis. Et puis, on a fait un show avec eux en Chicago l'année passée, ou peut-être que ça fait 2 ans déjà. Et puis, Finny et Tony parlaient, puis ils ont décidé de faire comme duet. Alors, on était très contents qu'ils... Oui, il a vraiment bon. Ouais. Ah, c'est un très bon groupe, je les ai vus deux fois. Oui, ils sont vraiment bons. On les aime beaucoup. We'll be right back. votre nouvel album, Hunger and the Fight, quelle est votre chanson préférée? Mais là, j'imagine que pas mal chacun a sa propre chanson préférée. Alors, I was just looking for you now, sir. Okay. Moi, j'en ai beaucoup. Pour moi, c'est la première album que j'ai écrit avec Fini. Tous les autres albums du moment, c'est Fini qui a écrit toutes les chansons. Alors, c'est vraiment une expérience excitante pour moi. Sur le nouveau album, je ne sais pas encore, on a une chanson qui s'appelle Punk Rock Save My Life. Et moi, j'aime vraiment celui-là. Alors, on va voir. Dans toutes les chansons des Mahomes, OK? Quelles sont vos trois chansons préférées? In all your set, OK? What are your three Mahomes favorite songs? Pour moi, c'est A Little Bit of Love, Girl with Golly Eyes, et Someone Save Me, parce qu'ils sont à propos pour moi. They're all songs about me. Yeah. What are your three favorite songs? I like to play Great Night on the Lash. OK. I like to play Shakespeare Road. And I like to play a lot of, I'm gonna fight right now. And I drink Drunk and Lazy Bastard. Yeah, it's a classic. Yeah. The first song that I heard about you. Yeah. I was 25 years old. Yeah. It's a very good song. I play that one every day. All the time. Yeah. It's your classic. Yeah. What do you think about the Canadian punk rock scene and the Canadian folk punk scene today? There's a lot of great Canadian punk there's bands. There's a lot of really good Canadian punk bands right now. Have the Brains, the Irish Nails. Japandroids, we like yeah, a lot. Yeah, we love the Japandroids. Listen to them all. Great. What else do we like a lot? Fucked Up. Yeah. Toronto band. They're good bands. Don't know who's down. Oh, they're great. Fucked Up are great. Yeah, you like them. Alexis on Fire. Alexis on Fire. They're back, get back together this year. They're one of those. They're probably my favorite. Dave Brown Sound, who engineered both of our Hunger and the Fight albums, just rejoined Sum 41, so that'll be great. Oh, yeah. Yeah. Like yesterday or something. Yeah, just yesterday he rejoined Sum 41. Yeah. So that'll be great. Oh, yeah. It's, there's a great Canadian. The Celtic punk scene is good. The Real McKenzie's. Yeah, the Real McKenzies. That's we fun. Love the McKenzies. Yeah. Those are great guys. Yeah. And there's a lot of great bands out there in Canada. Where it's great. As far as the other Celtic punk go, I don't really know what's going on that much. I don't know if there is many new ones, but there is definitely. Yeah. In Montreal, there's a lot of new good oi and street punk bands. Yeah. Yeah. Oh, good. Yeah. Well, that's good. Yeah, I know. There's a lot of great Canadian punk bands. There has to be, right? Yeah. Oh, he's coming. Yeah, we have nothing but love for all the other punk bands. We love, nothing but love. In life, do you only play music for the Mahomes, or do you do something else to pay your bill? We pretty much only do the Mahomes, yeah. Oh, yeah? Yeah. 25 years, yeah. That's good. It's busy. It is hard to do this. It's a full-time job to tour with the band, and now because we're not on tour, we also manage the band independently, right? And we run our own record label, and we do all the production of the music and the production of the videos. We do all the jobs. Because it's we're DIY all the way. Yeah. Like all the paperwork, all the visas, everything. Like the traveling, the tour, everything is done in-house. So it's a full day. It's a full-time job. Yeah. He helps your father. Your father has a business. He helps him with his business. Sean does some and Sean helps work, his dad in his business a bit, but that's all we're trying to do, which is all we want to do, though. this is very, very good. And we're going to try to put another band out on our label, too, trying to get some other bands exposure to. What are your greatest influence in music? My favorite, I guess, because I'm more of a lyricist than writer. But I love Greg Graffin, Bad Religion, and I love Rancid, Against Me, and I've been listening to a lot of The National lately. I love The National. I'm more classic. I like the Pogues, The Clash, The Who, all that kind of classic, The Ramones. So I'm coming from a classic punk rock background. Yes. It's more of a, Rancid, Bad Religion, and I'm more Ramones Clash. But it's a nice combination. Yes. We like all the good stuff. To true good stuff. Different generations of punk. Different generations of punk, but same comeback. Same message. Yeah. You know what I mean? To live in a lost Iceland, and you can only bring 3 LP. Ah, which one will be? I would be, for me, it would probably be Who's Next by The Who, London Calling by The Clash, mm-hmm. and what else I used to love to hear all the time. Maybe If I Should Fall for Grace with God by The Pogues. Oh, all extended versions. I would bring Rancid, Life Won't Wait, Against Me, Reinventing Axl Rose, and The National, Trouble of Finding. The National. I don't know the... Not a punk band, but They're from an alternative band. My 15-year-old stepdaughter introduced me to them because she is way cooler than I am. Okay, so it's a new band. No, they've been around for a long time, but they just got really popular last year. But just love them. I've been on a real national kick lately. They're like REM with keyboards. Okay. Really good stuff. With the good stuff. Yeah, really. Hard good to describe them. The singer's very. Listen, if you get the National, the Trouble Will Find Me. The album Trouble Will Find Me. Fantastic. Very good. She's right. We listen to it all the time. Really good stuff. Even it's kind of laid back though. Okay. It's kind of laid back, but it's good if you're feeling that. We've also been listening to a lot of Jesse Malin lately. Jesse Malin is a New York songwriter, sort of like Ryan Adams and Springsteen. Really, really good. Yeah, he's been on the turntable a lot lately. Mm-hmm. He's used to be in a punk band called D-Generation in New York City. He's a singer and now he's doing his solo stuff. Okay. It's very good. He sings songs about New York City. And we listen to a lot of Agnostic Front and Sick of It All too. They're heavy on the turntable. They are hardcore. Yeah. We like the New York hardcore. Yeah. We like all things New York right now. Yeah. Are you all? I'm a real New York kid. Yeah. Finally, what is your best place to do a punk rock show or a folk punk show? Anywhere where people want to hear it. My favorite place to play is, in the world. Yes. that's a tough one. I'm good anywhere. Just give me a... I like New York City. I like Quebec. Like Montreal, Quebec. I like Paris. It's one of my favorites. We played Paris, France, for Patrick's Day, because we wanted to. Yeah. Yeah, it was our 20th anniversary show. Okay. So that's kind of my favorite city, Paris. I heard that you play with the Pogues. We played with a couple of them on tour, and Shane McGowan, too. We played with Shane McGowan and the Pogues quite a few times over the years. And we've played with Terry Woods and Phil Chevron. We did a tour with them about 12 years ago. Okay. Yeah. Do it was hard to doing a tour with Shane McGowan because he always drink or... Well, you know, some shows he didn't show up for. Okay. You know, that's shame for you. And I think there's other things besides drinks involved in those incidences, but... It's, you know what, it's a legend. This guy is a legend. Yeah, and you know what, it's not easy. Like, addiction is hard. Yeah. Nobody wants... No. To live like that, you know. I'm sure he didn't want to not come. Yeah. But you know, things happen. But you know, we love playing with him. He's fantastic, and he's been an inspiration of the band. He's more of an inspiration than the poster. We like Shane McGowan and songwriting, and you know, all things Shane because he's funny and we've hung out with him many times. That's a great laugh. The song "Great Night on the Lash" from Blood Black Heart Shop is about one of the nights we hung out with him. You know, and. Yeah, we're big fans of his, so we like playing with him. We'll play with him anytime. Even if it's a train wreck, we'll go, but lately he's been great, so... Okay. You know, so, So do you know if maybe someday the Pogues will come play here in Quebec? I don't know if the Pogues will. You think they should. They might. You think they would. They got a big fan base here. I think really at the end of the day is they're retired, and the only thing that will bring them out is money. But the Mahones have to go play in Quebec in 2 minutes. I think the other band is coming off in 2 minutes. Oh, yeah, so. Yeah, but the Mahones, yeah. Here we are. Yeah. Alors, c'était tout pour l'entrevue, parce que là, il faut aller boire de la bière. Thank you. Thanks so much. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. You guys are okay, eh? Yes. Okay, great. Alors, c'était l'entrevue réalisée par moi-même avec les Mahones. La semaine passée, au Trou du Diable, plus exactement à la shop du Trou du Diable à Shawinigan. Et il est maintenant temps de passer à autre chose. Et on va enchaîner avec Atrocity Solution et la pièce The Introduction Part 2, ainsi que Equally Disease, extrait de leur plus récent album portant le titre Lost Remedies. Ensuite, nous allons enchaîner avec Commit Insect et la pièce Les Années d'Acier, qui s'enchaîneront avec Caméra Silène et la pièce Suicide, ainsi que Les Cadavres et la pièce Nos Pasaran, qui est une très bonne chanson antifasciste et qui fait partie du folklore, on pourrait dire, du punk rock français. Allez, musique. Oh, c'est vrai, je pensais à ça. Avec Atrocity Solution. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission de Skypunka. Mais dans 2 semaines, il va y avoir un spécial Skypunka versus Diablocus Metallus Folklorus. C'est-à-dire que, en fin de compte, Damon, qui était co-animatrice avec Mephisto ou Mephisto Show anciennement, eh bien, viendra affronter le camarade B avec du folk metal. Pour ma part, j'ai toujours pas décidé si je vais faire jouer du folk punk, du reggae, ou du ska, ou du psycho, ou tout ça comme d'habitude. Mais bref, ne manquez pas ça dans 2 semaines, ça sera tout un spécial à Skypunka. Heure normale, c'est-à-dire de 13h à 17h, bien sûr. Et ça m'amène à vous dire que maintenant, ben on s'en va en musique avec Atrocity Solution. Allez, écoutez-moi ça, c'est vraiment bon. Thank you. plongée dans un métal bien trempé. Elles font vaciller le vieux monde. Écoute la tempête au loin qui gronde. Enchaînons avec Stage Bottle et la pièce Dead But Not Forgiven. But this is for the biggest subhuman bastards of the lot. All is gone. Though it's been a dream of being without seeing any sorrow. Now we got drinks, so find out those clouds. dead for life. The all he did was sense the strength. So we're left because he and his gun. Oh, gun, oh, gun, oh, gun, oh, gun. I think I'm just shooting in his gun cause he's dead. Ha ha. So we're left because he and his dead. Dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. I think I'm just shooting in his gun cause he's gone. Yeah. buzzing blue. Pull on your boots, ready to shoot. You ain't left all around, but you know what on your route. Head in the crowd, screaming aloud. Get the buzz off, you always wanna shout. Standing up, keeping up. Follow the crowd, now you are about to win. Going to a show or another pub. Loyal to your friend, it's all you care about. Always standing proud, always standing up. Always on the wrong side, never giving up. Never looking down, you keep on the fight. You know life is hard, you've already paid the price. Standing up, keeping up. And the door filled with the diehards. You can take away. Let's go! Quel bon vieux classique d'Against Me, la pièce Pint of Guinness Make You Strong, extrait de l'album Reinventing Axl Rose, qui à mes yeux a été le meilleur album fait par Against Me. Ça aurait été le fun s'ils auraient demeuré dans ce même style-là. Malheureusement, ils ont pogné une tangente pop au travers du temps, mettons. Mais ouais, dans leur début, ils étaient vraiment excellents. Donc, qu'est-ce qu'on a eu avant Against Me? On a eu plein de choses. On avait commencé ça avec Atrocity Solution et la pièce Equal Disease. Ensuite, Comitant Sect avec Les Années d'Acier. Caméra Silène avec Suicide. Les Cadavres avec No Passaran. Après ça, Stage Battle avec Dead But Not Forgiven. The Oppressed avec Work Together. Ainsi que une des nouvelles formations oeil françaises antifascistes, c'est-à-dire le groupe Lion's Law et la pièce Skinhead, qui est extrait de leur plus récent album qui porte le titre de Open Your Eyes, disponible à la fois en vinyle et en CD. Maintenant, bien, on continue en entrevue et en musique avec tout d'abord Exploring Dora, qui était au Rockaganza il y a de cela 2 semaines à Drummondville. Et pour justement la gang d'Exploring Dora, eh bien, on va entendre la chanson qui va suivre, qui va suivre l'entrevue. Ça sera la chanson Pretty Tanker. Et puis après ça, on aura Against All Authority avec Walking Revolution, qui est une reprise de la formation de Piste. Après ça, The Fireman avec la pièce UK Now, ainsi que The Prowlers et leur reprise de la chanson Chaos en version Skaoy. Mais tout d'abord, comme je dis tantôt, retournons au Rockaganza dans la journée, je crois, qui était celle du 25 juillet à Drummondville, juste avant de manger de la poutine. Eh bien, il y avait eu un groupe qui s'appelait Exploring Dora. Et puis, vous allez voir que ce groupe, malheureusement, ils n'existeront plus bientôt. Mais je vous laisse avec l'entrevue pour voir ce que était et est encore pour quelques peut-être heures Exploring Dora. Et c'est l'entrevue de The Exploring Dora pour les Skypunka et les Bonnets Rouges sur ces fous Trois-Rivières. On vous découvre à votre départ, fait que Exploring Dora... En quelques mots, comment est-ce que vous raconterez vos 2 années d'existence? Exploring Dora, c'est du post-reggae Captain Chrétien avec beaucoup de vomi. C'est des shows beaucoup intenses. J'aime ça me mettre nu sur stage, des fois. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes du post-reggae chrétien? Reggaeton, en fait. Reggaeton comme Gasolina de Daddy Yankee. Juste que nous, dans le fond, on a pris cette musique-là et on l'a améliorée. Dans le fond, pour que le monde puisse se grinder dans nos shows, t'sais. OK. Ouais. Puis en fait, toutes nos tunes parlent de Jésus. Fait que je sais que ça pogne pas trop dans la scène ska punk en général, la chrétienté, mais... Et nous pognons sans calice. Ouais. On peut se dire des obscénités? Ouais, oui. Dans un cul que je plante. Hey! Jésus. Jésus va pas être content. Combien d'albums vous avez? Actuellement, on a 0 album et 0 rien sur Internet, à part 1 vidéoclip. Donc, on va être le groupe qui va mourir avec un seul vidéoclip. On va sûrement faire un bandcamp avec toutes les recordings qu'on a. Ça va être notre legacy qu'on va... Burn Dora fucking dead. OK, est-ce qu'on peut espérer un espèce d'album post-mortem? On n'écarte pas la possibilité, mais pour l'instant, on prend des chemins différents. On prend des chemins différents. Je suis trop ensemble pour ces gars-là. On a d'autres projets qui s'en viennent. Membres. Quels sont ces projets, justement? Ben, on va faire un cover band acoustique d'Exploring Dora, ça va s'appeler Fuck Gilo. Ben, pas acoustique, instrumental, en fait. En gros, ça va juste avec le band sans moi, le chanteur, parce qu'il m'incite la face. Si moi, je vais me partir un vrai band. Qui va faire quoi? Mal. OK. Dans quel genre? Hardcore, ouais, punk ou reggae? Hardcore, non, pas reggae, parce que... Par contre, j'ai des dreads, je fais du reggae, puis je fume du pot, calice. Mais non, ça va être souvent du punk hardcore méchant. Okay. Très méchant, lourd, rapide, tous ces termes-là en même temps. En français ou en anglais? En anglais, probablement. Les dreads seront toujours là. Qui sait, peut-être qu'au dernier show, on va raser ça. Non, je penserais pas, mais ouais, sûrement que les dreads sont encore là. On verra, ouais, c'est ça. D'ailleurs, s'il y a des gens de Trois-Rivières et de cette région qui sont assez primés pour descendre à Montréal le 1er août, Punkorama Fest, c'est notre dernière prestation. Ça va déchirer. Good. C'est une bonne chose. Ah, c'est triste de vous avoir en tout cas rencontré aussi tard et de vous avoir découvert aussi tard. On n'était vraiment pas à jour là pour vous d'autres, là. Ben, on est passé très vite. C'est comme pas mal toutes mes relations sexuelles. C'est bien rapide, mais bien plaisant. Bien plaisant. Ça fait mal. Bien plaisant, ouais, exact. Et pensez-vous que Jésus est content que vous disparaissiez comme groupe, vu que vous êtes quand même un groupe chrétien? Ben, tu sais, on meurt, mais on s'en va tout au paradis quand même. La question sur le fait de ta brièveté, est-ce que le public est aussi déçu de vous faire que vous partiez aussi rapidement que celle que tu as ramenée? Ben, ça y risque de partir en pleurant ce soir, mais non, mais on avait quand même, pas pour dire qu'on avait des fans, mais on a quand même quelques visages qu'on voyait souvent au concert. Pis, ben, des filles tristes, en tout cas. Ben, des filles qui... Ben, même des gars, là. Ah, ouais? Ben, moi, je suis... Okay. Ambigu. Non, je te jure, moi, il n'y a pas. Mais non, mais il y a ben des gens qui trouvent ça désolant de nous voir partir aussi vite. Qui sait, un jour, on va peut-être faire une tournée réunion ou une connerie comme ça, juste pour se refaire un peu de fun puis se taper des bouteilles de force à main. C'est bien, ça. On joue avec Watch for the End. Pas beau, c'est pas chaud. Bon, ben, je vous remercie d'avoir été en entrevue. Et puis, je vous souhaite un bon futur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de... d'avoir écouté. I never do what I'm told. I'm a fucking time bomb waiting to explode. I'm a walking revolution. I got problems, no solutions. I never do what I'm told. I'm a fucking time bomb waiting to explode. I'm a walking revolution. I got problems, no solutions. Damn. Some of you say I've got a problem with authority. Well, I just don't know what to do. Cause all you rules and regulations benefit no one but you. So I refuse to let you run my life and be a rat in your race. So you better get out of my sight before I fucking smash your face. We'll be right back. clothes on the street. On the street corner where the gangs all meet. Talk about the weekend, what are you gonna do? If you ain't careful, they're gonna do you. Come back on the skaters, come back on the boots. People that we know, we know we're gonna fucking shoot. We are the new breed and we will always stay. We are the new breed and we will never die. Waiting for a fight. I boots brought there, what a fucking sight. Come back on the skinners, come back on the boot. People that we know we love, we're gonna fucking shoot. We are the new breed and we will never say. We are the new breed and we will never die. Their boots on, nobody's fools. Brawlers taking over, chaos is the rule. Chaos, chaos, chaos. We don't give a toss. Chaos, chaos, chaos, chaos. We don't give a toss. Yeah, the Brawlers avec leur bon vieux classique Chaos. Extrait de l'album Chaos in the City, qui est un mini-album qu'ils ont fait au début des années 2000. Là. Et tout juste avant ça, on avait eu quoi? On avait eu une entrevue avec Exploring Dora, tiens, tiens. Avec, bien sûr, leur seule et unique chanson qui fait partie d'une vidéo, en fait, que vous pouvez voir sur YouTube, Pretty Little Tanker. Et ensuite, eh bien, on a vu Against All Authority, la pièce Walking Revolution, qui est une reprise d'un bon vieux go street punk américain, c'est-à-dire de piste. Et après, eh bien, on avait eu The Fireman avec la chanson UK Now. Maintenant, ben, il est rendu l'heure de se quitter. Et aujourd'hui, on se quitte avec The Generators et la seconde version de la pièce Dead End World, qui est un mélange de street punk et de reggae. Et puis après ça, on aura les Esclaves Salariés avec leur bon vieux classique Esclaves Salariés, extrait de leur premier album qui était éponyme, qui contenait 5 pièces. Et puis après ça, eh bien, nous terminerons le tout en beauté aujourd'hui avec la formation italienne Los Fastidios et leur bon vieux classique Tempi Nuovi, extrait de l'album Continuamo Sudi Voi. Sur ce, à la semaine prochaine. Ah non, c'est vrai, pas la semaine prochaine. Oh, faut refaire le bye-bye de la folie. Sur ce, tout le monde, à dans 2 semaines pour une autre émission de Skypunka, c'est-à-dire entre 15h et 17h. C'est-à-dire l'heure normale de Skypunka, parce que la semaine prochaine, je fais relâche. Sur ce, bye-bye et continuez à boire de la bonne bière et à écouter de la bonne musique de délinquants. Parce que dans la vie, bien, il y a des choses importantes comme ça. Sur ce, bye bye, c'était mon speech de la soirée. Mais ne buvez pas si vous avez trop conduit. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire là? Ah, c'était le contraire. Allez, bye bye, à la semaine prochaine tout le monde. Et comme j'ai dit tantôt, on se laisse avec The Generators et la pièce Dead End World. Bye-bye. Yeah.